إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 13 dans la lecture de l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et c'est avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc le livre s'intitule Al-Ta'liqat Al-Tawdihiyya ala Muqaddimati Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Non, donc on va continuer à partir de l'endroit où on était rendu au dernier cours. Au dernier cours, on a commencé à lire l'explication du Cheikh, de la parole du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, lorsqu'il commence à expliquer l'introduction, hein, et pourquoi il a commencé son livre par l'introduction qu'on a lue au sujet de l'excellence et la supériorité de la voie des salafs sur la voie des khalafs. Et il a établi des principes pour justement clarifier ce principe-là, parce que les gens de bid'ah, comme on l'a expliqué, eh bien, pour être capables d'établir leur bid'ah et d'avancer dans leur bid'ah, eh bien, ils sont obligés de commencer par dénigrer les salafs et par commencer à rabaisser les salafs, et ou bien essayer de confondre la réalité de la voie des salafs pour essayer de faire croire aux gens que la voie des salafs c'est quelque chose qui est pas assez détaillé, pas assez clarifié pour être capable de le suivre, pour être bien guidé, ou bien pour essayer de les confondre en leur faisant croire que la voie des khalafs c'est la voie des salafs, hein, pour essayer de les confondre de cette façon-là, de mélanger entre la vérité et le faux. Donc, comme on a expliqué au début, ils disent que la voie des salafs, elle est sûre, elle est sécuritaire, mais que la voie des khalafs, elle est plus savante, plus sage, hein, et plus, elle est plus détaillée. Donc, ils pensent que la voie des khalafs est meilleure. Et donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah leur a expliqué que ça, c'est une insulte, c'est un dénigrement des salafs, et c'est une injustice, hein, et c'est un mensonge, parce que la voie des khalafs c'est de l'égarement et de l'ignorance, et la voie des salafs c'est la voie de la science, de la connaissance, de la sagesse et de la sécurité ensemble, et que elle contient toute la guidance et toute la vérité, et que celui qui se détourne de la voie des salafs, eh bien il est parmi les gens de l'égarement selon le degré dans lequel il s'oppose ou il contredit la voie des salafs salih. Donc, comme le Cheikh Al-Fawzan, il explique dans plusieurs cours, dans plusieurs livres, et il le dit, c'est que pour se prétendre salafi, hein, prétendre suivre la voie des salafs, eh bien, il faut la connaître. Et il faut établir la voie des salafs par des preuves. Hein, du fait que tu te réfères au salaf pour dire ce que tu dis. C'est pas juste, hein, que tu prétends يعني quelque chose, puis tu dis ça c'est la voie des salaf, alors que c'est pas le cas. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a clarifié ça dans un passage dans un des livres de Majmu' al-Fatawa. Il explique que l'égarement des khalaf, c'est justement ça, c'est de s'imaginer quelque chose dans leur esprit et de prétendre que yani ça c'est une vérité, d'établir et d'inventer des règles dans la religion et de prétendre que ces règles, que ces principes-là sont la vérité, puis par la suite d'établir le lien en disant que si ça c'est la vérité, donc c'est obligatoirement la voie des salaf. Même s'il n'y a pas de preuve pour prouver que c'est la voie des salaf, yani ils s'imaginent que c'est la voie des salaf parce que c'est ce qu'ils ont cru eux, hein. Et ça, bien entendu, c'est de l'égarement, c'est de vouloir imposer aux salaf une voie qui est contraire à celle qu'ils ont vraiment suivie ou en celle qu'ils ont vraiment cru, en se basant sur des idées ou des croyances ou des philosophies qui n'ont rien à voir avec l'islam, et d'essayer de l'imposer aux salaf. Et il y a beaucoup de gens qui agissent de cette façon-là sans même s'en apercevoir ou sans même le réaliser. Hein, et parmi les gens, parmi les awam, parmi les gens du commun, il y a beaucoup de gens qui agissent de cette façon-là. Juste pour vous donner quelques exemples, des gens qui ont, par exemple, jamais lu le Coran, jamais lu la Sunna, ou jamais fait des études en islam, mais qui sont convaincus qu'ils comprennent l'islam mieux que tout le monde. Et ils se sont fait une idée dans leur esprit de qu'est-ce que doit être l'islam, et donc ils s'imaginent que cette idée-là qu'ils ont dans leur esprit, c'est ça la réalité. Donc, sans même avoir lu les textes, sans même avoir lu les hadiths ou les versets de Coran, eh bien, ils pensent que yani, l'islam, c'est ce qu'ils ont compris eux-mêmes. D'accord? Puis, ils essaient d'imposer ça sur la religion. Eh bien, il y a la même chose chez les gens de Bid'a, ils font ce genre de choses-là, et parfois, ils le font avec, comme on a dit, le Coran et la Sunna, et parfois aussi, ils le font avec yani, les paroles des salafs aussi. Et donc c'est exactement ça. Et yani, donc c'est pour ça que la voie des salafs, c'est de suivre le Coran et la Sunna. À la base, ça doit être établi sur le Coran et la Sunna. Et selon la compréhension des salafs salih, et c'est ce qui nous préserve de tomber dans l'égarement. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer le prochain passage de qu'est-ce qu'on a lu. On a lu au dernier cours les paroles qui parlaient de Cheikh al-Islam de Taymiyyah lorsqu'il mentionnait le fait que la voie des salafs, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, au-dessus de toute chose. On va continuer à maintenant mentionner des preuves à ce sujet-là. Le Cheikh ibn Taymiyyah, il dit dans la suite, parce que là il énumère les preuves du Coran, hein, sur ce fait-là, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, hein? Contrairement aux Jahmiyyah, aux Mu'tazila, aux Asha'ira, et aux Maturidiyyah, et aux Ahbash, toutes ces différentes sectes qui nient, hein, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il dit, وَأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وقوله إن إني متوفيك ورافعك إلي. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne des versets dans le Coran qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, qu'il est dans les cieux, et ainsi de suite. Donc il mentionne par exemple le verset Fatir, le verset 10 de sourate Fatir, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. C'est-à-dire que c'est vers lui que la bonne parole monte et il élève la bonne action vers lui. Hein? Ou bien la bonne parole élève la bonne action vers lui. Donc ça c'est dans le verset 10 de sourate Fatir, et il mentionne également le verset 55 dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Hein? C'est-à-dire, je vais t'élever vers moi, hein, avec ton corps et ton âme. Donc, ça c'est verset 55 dans Sourate Al-Imran. Le Cheikh Al-Fawzan, il met un premier commentaire au sujet de As-Sama, c'est-à-dire les cieux. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, As-Sama, lafzun yutlaq wa yuradu bihi ma'nayan. Yutlaq wa yuradu bihi al-ulu, fayuqalu Allahu fi as-sama, yani fi al-ulu, wa yutlaq wa yuradu bihi as-samawat al-mabniyya, fallahu fawqa as-samawat at-tibaq al-makhluqa. Donc, le Cheikh, il explique premièrement que le terme Sama, lorsqu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, eh bien, on l'utilise et on l'emploie de deux façons, dans deux significations. Premièrement, la première signification, c'est que As-Sama, ça signifie, en réalité, Al-Ulu. C'est un synonyme de Al-Ulu. C'est-à-dire, tout ce qui est au-dessus. Hein, tout ce qui est en haut de nous. Donc, tout ce qui est en haut, en arabe, ça peut s'appeler Sama. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il est au-dessus, et donc on dit qu'il est fils Sama, dans le sens qu'il est dans les au-dessus, yani dans les hauteurs au-dessus de nous. Donc ça c'est la première signification. C'est-à-dire que As-Sama signifie Al-Ulu. Hein? Et une autre signification aussi, pour laquelle on emploie As-Sama, c'est-à-dire les cieux qui sont au-dessus de nous, qu'Allah a créé, et qui sont en différents étages, donc qui sont en différents étages créés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme les sept cieux, eh bien, on l'utilise dans ce sens-là aussi. Donc, as-samawat al-mabniyya, c'est les cieux qui ont été créés et étalés un par-dessus l'autre. Et dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ça. C'est au-dessus de ces cieux-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Sama, hein, dans le sens qu'il est Al-Sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Parce que parfois on utilise en arabe Fi dans le sens de Ala, dans le sens de sur. Donc on va donner des exemples de ça plus tard. Le Cheikh il explique ensuite les deux versets. Il dit هذا من أدلة علوه لأن الصعود إليه معناه الارتفاع إليه فدل على علوه على خلقه قوله والعمل الصالح يرفع معناه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لأن القول لا ينفع إذا لم يكن معه عمل صالح. Donc le Cheikh il dit, et parmi les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et qu'il est au-dessus de tout, il y a le verset 10 de sourate Fatir qu'on a lu tout à l'heure, hein. إليه يصعد الكلم الطيب, c'est vers lui que s'élève la belle parole ou la bonne parole. والعمل الصالح يرفعه, et يعني la bonne action élève, hein, cette bonne parole-là. Non. Donc, le Cheikh explique, il dit que ça signifie que la bonne action élève la bonne parole. Parce que la parole ne peut être, peut être bénéfique que si elle est accompagnée d'une bonne action. Hein? Ensuite, le Cheikh, il explique l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala parle de Isa ibn Maryam et qui mentionne que Isa ibn Maryam a été élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il dit قوله سبحانه للمسيح عليه السلام لما مكر به أو مكر به اليهود وأرادوا أن يقتلوه يعني فقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فالله رفعه من بينهم ولم يشعروا به كما أن الله أخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من بين المشركين لما أراد الهجرة وهم ينتظرون خروجه ليقتلوه فخرج من بينهم ولم يشعروا به صلى الله عليه وسلم. Donc, le Cheikh il explique que ça c'est la parole, donc le verset, ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Eh bien, ce verset-là, il prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Et le fait de s'élever, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en haut. Comme le verset tout à l'heure, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il fait monter vers lui la bonne parole, eh bien, monter, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'élève vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, de sa création. Donc, il dit ici que lorsque les Juifs ont voulu ruser et comploter contre Isa alayhi salam et qu'ils ont essayé de le tuer, eh bien, yani, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Isa, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi et te purifier de ceux qui ont mécru, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Donc, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé de parmi eux, il l'a élevé vers lui, alors qu'ils ne se sont même pas aperçus de ça. Et c'est un peu comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de parmi les mouchriquins, lorsqu'il a voulu faire la hijra, et ils étaient tous devant sa maison, en train d'attendre sa sortie pour pouvoir le tuer, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de parmi eux, et ils ne se sont même pas aperçus qu'il est sorti. وذهب هو وابو بكر الى غار ثور. Donc il est parti lui ainsi que Abu Bakr رضي الله عنه vers la caverne, vers la grotte qu'on appelle Thawr, et tous les deux se sont cachés là-bas. Ensuite le cheikh dit وكما قال تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. Donc le cheikh explique, il dit ici, et c'est un peu comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans sourate al-A'raf, non, dans sourate al-Anfal, le verset 30, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, ou t'assassiner, ou te bannir. Et ensuite il dit ce qui signifie: ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Donc le cheikh il dit: كما أن الله عز وجل أخرج المسيح عليه السلام من بين اليهود ولم يشعروا به رفع ورفعه إليه حيا. Donc de la même manière, eh bien يعني Allah سبحانه وتعالى a élevé vers lui le Messie عليه السلام de parmi les Juifs, et ils ne se sont pas aperçus que Isa alayhi salam était disparu, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter vers lui vivant. Il dit ensuite le Cheikh: wa qawluhu mutawaffika al-muradu bit-tawaffi huna wafatun nawm kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Donc le Cheikh explique ici, parce que le verbe, ou bien le fait at-tawaffi, umni mutawaffika, ça c'est un terme qui est employé souvent pour désigner lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait mourir quelqu'un. Mais on sait que en réalité il y a deux possibilités lorsque Allah subhanahu wa ta'ala prend notre âme: c'est soit pour la faire dormir, ou bien soit pour la prendre et ne pas la retourner dans le corps si c'est la mort. Comme Allah il mentionne dans Surat Fatir: Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Dans Surat Az-Zumar. Et non, donc, c'est-à-dire, Allah, il prend l'âme, yani lors du sommeil, puis il prend, et celle qui n'est pas, yani celle qui meurt, il la garde auprès de lui. Hein, comme c'est mentionné dans ce verset. Puis aussi le verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 60 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Hein? Et donc ça, c'est un verset qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui prend l'âme. Et c'est pour ça que le cheikh a dit que qu'est-ce qu'il veut dire ici quand il dit à propos de Isa que il dit inni mutawaffika, ça ne veut pas dire qu'il va le faire mourir, ça veut dire qu'il va plutôt l'endormir, hein, ou le faire dormir. Et c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on veut dire ici dans le verset inni mutawaffika, ça veut dire at-tawaffi huna wafatun nawm, c'est-à-dire hein, le fait de dormir ou de tomber endormi. Donc le cheikh explique, il dit que an-nawm wafatun sughra. فالذي أصاب المسيح عليه السلام هو وفاة النوم وليس وفاة مفارقة الروح للبدن لأنه عليه السلام رفع حيا إلى السماء وينزل في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأحاديث وكما في القرآن وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. Le cheikh il explique que le sommeil c'est une petite mort, hein, c'est une mort mineure, et c'est ce qui est arrivé au Messie, c'est-à-dire à Jésus le fils de Marie عليه السلام, c'est-à-dire qu'il est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait dormir. Et ce n'est pas yani la mort dans laquelle l'âme se sépare complètement du corps, hein, mais il a été plutôt élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala vers les cieux, hein, vivant. Et vers la fin des temps, il va redescendre. Comme cela a été mentionné de façon c'est-à-dire qu'on dit en arabe mutawatir, hein, tawatarat bidhalika al-ahadith, c'est-à-dire que ça a été rapporté par de nombreux hadiths, hein, de très grands nombres de narrations sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, qui est une vérité. Hein. Et le Coran le mentionne également, comme le verset 159 dans Sourate An-Nisa. Le cheikh il mentionne donc ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Donc, le cheikh il dit ensuite, c'est-à-dire avant la mort de Al-Masih, hein, ce qu'il dit ici dans le verset, hein, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'auront pas la foi en lui avant sa mort. C'est la preuve que Al-Masih, il va revenir sur terre, puis qu'il va mourir, comme tous les hommes. Hein? Contrairement à ce que prétendent les chrétiens. Parce que les chrétiens pensent que Jésus est Dieu. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il va revenir, il va terminer sa vie. Et il va mourir comme tout le monde, et être enterré comme tout le monde. Et au jour de la résurrection, il va être ressuscité comme tout le monde aussi. Hein? Donc, pour montrer que c'est un être humain, un prophète, et que ce n'est pas Dieu ou un fils de Dieu ou des choses de ce genre, parce que Dieu n'a pas de fils, hein, il n'a pas de fils, n'a pas de fille, n'a pas d'enfant, ni parmi les êtres humains, ni parmi les animaux, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de l'univers. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. Donc avant la mort de Al-Masih, le cheikh dit: hey, قبل موت المسيح حينما ينزل في آخر الزمان, lorsqu'il va descendre vers la fin des temps. Le cheikh dit: الشاهد قوله ورافعك إلي والرفع إنما يكون إلى أعلى فدل ذلك على علو الله تعالى على خلقه. Donc, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset qu'on a mentionné, le verset 55 dans Sourate Al-Imran? C'est la partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa rafi'uka ilayya ». C'est-à-dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à Isa, je vais te faire, je vais t'élever vers moi. Je vais t'élever vers moi. Et le cheikh explique que le fait de s'élever, rafa, eh bien, c'est quelque chose qui se fait de bas en haut. Ça, c'est ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'élève vers lui. Donc ça, c'est pour ces versets-là. Ensuite, il explique d'autres versets. Et là, il explique d'autres versets. « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا » Donc ça, c'est dans Sourate Al-Mulk. Sourate Al-Mulk. Ensuite, il mentionne un autre verset, bar rafa'ahu Allah ilayhi, et un autre verset aussi, ta'rujul malaikatu war-ruh. Donc il mentionne maintenant trois autres versets de ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cité, et ces trois versets là les premiers, c'est dans Sourate Al-Mulk, le verset 16 et 17, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux, celui qui est au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala, vous enfouisse en terre, c'est-à-dire vous fasse rentrer dans la terre, et voici qu'elle tremble. » Et le verset 17, « Où êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, envoie contre vous un ouragan de pierre, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. » Donc ça, c'est les versets 16 et 17 qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au ciel. Ensuite, dans Surat An-Nisa, le verset 158, où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que Allah l'a élevé vers lui. Bar rafa'ahu Allah ilayhi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Ça, c'est la preuve, encore une fois, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, en haut de sa création, parce qu'il élève Isa vers lui. Donc, élever, c'est de bas vers le haut, encore une fois. Et le verset 4 dans Sourate Al-Ma'arij, le verset 4 dans Sourate Al-Ma'arij, et ça aussi, c'est une preuve. Ta'aruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi. C'est-à-dire, les anges ainsi que l'Esprit Saint montent vers lui. Les anges ainsi que l'Esprit Saint montent vers lui. Ta'aruju. Montent vers lui. Donc, le Cheikh, il explique ces trois versets-là, Cheikh al-Fawzan. Il dit, As-sama laha ma'nayan. السماء لها معنيان. المعنى الأول السماء بمعنى العلو، فتكون في على بابها ظرفية وفي السماء أي في العلو. والمعنى الثاني المراد بالسماء السماء المبنية، فتكون في بمعنى على أي على السماء، يعني فوق السماء، كما قال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، كما في قوله تعالى فسيروا في الأرض، يعني على الأرض. Donc le cheikh explique encore une fois, comme on a expliqué tout à l'heure, les deux significations du terme as-sama, c'est-à-dire le ciel. La première signification, c'est dans le sens de al-ulu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est au-dessus, qu'est-ce qui s'élève, qu'est-ce qui est dans les hauteurs. Donc lorsqu'on dit as-sama, c'est dans ce sens-là que Allah est fis-sama, c'est dans le sens qu'il est au-dessus de nous, dans les hauteurs, au-dessus de la création. Hein? Puisqu'on dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le Coran, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Nous avons fait descendre des cieux, hein, ou du ciel, une eau, c'est-à-dire la pluie. Et on sait très bien que la pluie ne tombe pas du ciel, mais qu'elle tombe des nuages. Donc, ça veut dire que on peut désigner tout ce qui est au-dessus de nous comme étant, en arabe, « sama ». Tout ce qui est au-dessus de nous, en arabe, peut être désigné comme étant « as-sama ». Hein? Et c'est pour ça que même la pluie, en arabe, on l'appelle « sama ». Un des noms par lesquels on désigne la pluie, c'est « as-sama ». Par exemple, si quelque chose a été mouillé par la pluie, on va dire « asabahu as-sama ». Hein? « Asabahu as-sama ». C'est-à-dire la pluie, la toucher, hein, pour dire que tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui est dans les hauteurs, hein, tout ce qui est dans le ciel et au-dessus, on l'appelle sama, dans le sens de ulou. Hein. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et aussi une autre signification de sama, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les cieux créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont au-dessus de nous, avec tout ce que ça comprend des sept cieux et ainsi de suite. Eh bien, dans ce sens-là, lorsqu'on l'explique dans ce sens-là, hein, les cieux créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui sont superposés, eh bien, dans ce cas-là, le fi, hein, ça signifie dans ce cas-là ala, sur. Ça ne veut pas dire dans ici, mais ça veut dire sur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et non pas dans les cieux. Hein? Et la preuve qu'on peut utiliser fi dans le sens de ala en arabe, il est présent dans plein d'exemples de la langue arabe et même dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, le verset 71 dans sourate Taha, لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Hein, je vais vous crucifier sur les troncs d'arbres. Eh bien, en arabe ici, c'est écrit fi juzu'i nakhl. Hein, donc, si on le traduisait comme c'est écrit et qu'on remplaçait pas fi par ala, eh bien, ça signifierait je vais vous crucifié à l'intérieur des troncs d'arbres, des troncs de palmiers. Hein? Donc ça ferait pas de sens. Hein? C'est pour ça que une des significations de fi en arabe, c'est ala, sur. Hein? Puisqu'on les crucifie sur les troncs de palmiers et non pas dans les troncs de palmiers. Hein? Donc c'est pour dire que lorsqu'on dit dans les cieux, c'est-à-dire sur les cieux. Et la même chose ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 137, dans surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, fasiru fil ard. Alors, partez, hein, et voyagez sur la terre, hein, circulez sur la terre. Eh bien, ça ne veut pas dire dans la terre, parce que c'est écrit fil ard, dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas dire circuler dans la terre, à l'intérieur de la terre, mais plutôt circuler sur la terre. Hein? Et ici, donc, encore une fois, fi est utilisé dans le sens de ala. Hein? De la même façon que dans le verset fissama, c'est utilisé dans le sens de alassama, au-dessus des cieux. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. En arabe, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, l'autre verset que le cheikh a cité, Ta'arujul Malaika. Donc, il mentionne le fait que les anges, eh bien, elles montent. Les anges et l'âme, hein, montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. شيخ الذي تعرج الملائكة العروج معناه الصعود والملائكة تنزل إلى الأرض وتصعد إلى الله بأوامر الله وتنزل إلى الأرض بأمر الله كما قال الله عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك وما نتنزل إلا بأمر ربك والشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن الله في العلو سبحانه وتعالى لعروج الملائكة أي صعودها إليه. Donc le cheikh il explique que يعني le fait que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ta'arujul malaika, ta'arujul c'est un verbe qui signifie que les anges ils montent. Et en arabe, le terme uruj, ça veut dire monter, s'élever. Et donc les. Désolé, un instant. Et donc, les anges, ils montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, et dans d'autres versets, on mentionne qu'ils descendent vers la terre. Les anges descendent vers la terre et s'élèvent vers Allah, yani avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils descendent vers la terre avec l'ordre d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 64 à leur sujet, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Et nous ne descendons excepté qu'avec avec l'ordre de ton Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset? Le Cheikh il dit, le point important dans ce verset-là, c'est qu'il y a dans ce verset la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, fil ulu, dans les hauteurs, au-dessus, et que les anges s'élèvent vers lui et montent vers lui. Donc tout ça c'est des preuves contre les Asha'ira, contre les Maturidiyya, contre les Jahmiyya et les Mu'tazila qui nient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création. Ça vient confirmer toutes les preuves qui supportent cette position de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ensuite, il mentionne d'autres versets encore pour prouver ce point-là. Il dit « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ » Donc ça c'est un verset. Un autre verset qu'il cite, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit « يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ » Et un autre verset « ثُمَّ اسْتَوَى على العرش في ستة مواضع ثم استوى على العرش في ستة مواضع الرحمن على العرش استوى. Donc le cheikh il dit, il mentionne le verset 5 dans sourate As-Sajda. Le verset 5 dans sourate As-Sajda, et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère toutes choses, yani des cieux vers la terre, du ciel à la terre il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent en 1000 ans de votre calcul. Donc c'est à dire que les ordres descendent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ses anges qui descendent avec l'ordre vers la terre, et les anges remontent vers Allah subhanahu wa ta'ala aussi, comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset. Puis ici, comme il le mentionne, l'affaire remonte ensuite vers lui, en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc ça c'est une autre preuve du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. L'autre verset qui est mentionné, c'est le verset 50 dans sourate An-Nahl. Le verset dans sourate An-Nahl, le verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset ce qui signifie, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé, en parlant des anges. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 49, c'est devant Allah que se prosternent tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des anges, au-dessus de tout. Et il dit, wa lamma dakara, donc on va lire le charh après, le verset suivant, thumma stawa ala al-arsh, puis il s'est élevé sur le trône. Et ça, c'est dans 6 versets dans le Coran, 6 endroits différents dans le Coran. Et dans le verset, dans Surah Taha, le verset 5 aussi, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Donc ça, c'est le verset 5 dans Surah Taha. En ce qui concerne les 6 endroits où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne thumma istawa ala al-arsh, puis il s'est élevé sur le trône, dans 6 versets, plus le verset de Surah Taha, ça fait 7, où il mentionne l'istiwa ala al-arsh. Donc on va les lire, on va mentionner les versets en entier. Le verset 54 dans Surah Al-A'raf. Le verset 54 dans Surah Al-A'raf, c'est le premier verset où on mentionne cette question du fait qu'Allah s'élève au-dessus de son trône. Le verset 54 dit « Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasithan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul 'alamin. » Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi. Si c'est une traduction qui est mentionnée dans certaines traductions du Coran, puis s'est établi. Il y en a des savants qui ont mentionné cette traduction-là. Toutefois, la traduction la plus correcte, c'est pas al-istiqrar dans ce sens-là ici, c'est plutôt al-ulu wa al-irtifa. Al-ulu wa al-irtifa, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Istawa, ça veut dire qu'il s'est élevé sur le trône. Aynab. Donc, puis il s'est élevé sur le trône, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, ça, c'est le premier. 54 dans Surah Al-A'raf. Le deuxième, c'est le verset 3 dans Surah Yunus. Le verset 3 dans Surah Yunus, c'est Surah Yunus, c'est la Surah numéro 10. Après Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. C'est-à-dire, votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi. Encore une fois, il s'est élevé sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Naam. Donc, tel est votre Seigneur. Naam. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous donc pas. Ça, c'est le deuxième verset où on mentionne Al-Istiwa. Ensuite, le troisième verset où on mentionne al-istiwa ala al-arsh, c'est le verset 2 dans surat al-Ra'd. Al-Ra'd, le tonnerre. Hein? Donc le verset 2 dans surat al-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Donc ici la traduction de ce verset c'est: Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans pilier visible. Il s'est élevé sur le trône. Donc il s'est élevé sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Donc ça c'est un autre verset qui mentionne al-istiwa, et le verset 59 dans surat al-Furqan, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit: Alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira. Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Le verset 59, c'est lui qui en six jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Hein, s'est élevé ensuite sur le trône. Donc la traduction, je répète encore une fois, quand vous voyez dans la traduction c'est établi, ce n'est pas une traduction qui est correcte. C'est il s'est élevé sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Interroge donc qui est bien informé de lui. Fas'al bihi khabira. Donc ça c'est le cinquième verset. Bon, le quatrième, pardon. C'est le quatrième. Ensuite, le cinquième dans Surat As-Sajda, le verset 4. Le verset 4 dans Surat As-Sajda. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt il dit: Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. C'est-à-dire Allah qui a créé les cieux, qui a créé en six jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite il s'est élevé sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni alliés, ni intercesseurs. Ne vous rappelez-vous donc pas. Et ça c'est le cinquième. Et le sixième dans Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid, le verset 4. Et là, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur le trône. Et donc ça c'est le dernier verset dans les six versets, et on peut rajouter le verset 5 dans Surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, hein, dans le verset 5, que le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Hein, le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Thumma stawa ala l'arsh. Donc, tout ça sont des versets qui prouvent, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans sourate Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum, hein, et il est avec vous où que vous soyez, les salafs ont expliqué ce verset-là en disant qu'il est avec vous par sa science, hein, par son ouïe, par sa vue, par le fait qu'il vous voit, qu'il vous entend et par le fait qu'il sait tout. Hein, et non pas il est avec vous où que vous soyez par sa personne. Hein, comme certains soufis ont essayé de l'interpréter. Ça, c'est très important. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, il est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Hein, donc, des versets comme ça, il y a plusieurs. وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, des versets comme ça. Donc, il est plus près de vous que vous-même, mais vous ne vous en apercevez, pas. C'est pas pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création par sa personne, mélangé avec sa création. C'est dans le sens qu'il est avec sa création par sa science et par sa connaissance infinie et par également par son ouïe et par sa vue qui est parfaite. Donc il voit tout, il entend tout, il sait tout, partout. Hein? Et donc, ça c'est la compréhension. Puis il est au-dessus de son trône. Et du dessus de son trône, ou d'en haut de son trône, il voit tout, il entend tout et il sait. Hein? C'est dans ce sens-là. Le cheikh, il explique maintenant ces versets, cheikh Al-Fawzan. Il dit, يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر من أوامر الكونية والشرعية من السماء أي ينزل الأمر إلى الأرض من الله في السماء ثم يسعد إليه في هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في السماء لأن النزول يكون من أعلى. الشيخ explique que Allah سبحانه وتعالى il gère les ordres. Hein, parmi les ordres de la création et les ordres de la religion, il les gère de par les cieux, hein, de par au-dessus des cieux. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre l'ordre vers la terre. Hein. Donc l'ordre vient d'Allah, hein, des cieux, et descend sur la terre. Puis elle monte vers lui. Elle monte vers lui, et ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux ou au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, puisque le fait de monter ou de descendre, c'est uniquement d'en haut. Hein. Lorsque quelque chose descend, ça descend d'en haut. Et lorsque quelque chose monte, eh bien, ça monte d'en bas. Hein. Le verset, dans l'autre explication pour le verset, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. الشيخ الفوزان الدين لما ذكر سجود المخلوقات له قال يخافون ربهم من فوقهم وهذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل. Donc ici, après avoir mentionné le fait que les créatures se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il dit ensuite يخافون ربهم من فوقهم, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. Et ça c'est l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Hein, Al-Fawqiyya peut l'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui-même qui l'a mentionné dans son livre. Et il y a un débat qui était arrivé justement à l'époque des salafs parmi les exemples pour dire qu'ils ont réfuté les Jahmiyyah. C'est qu'il y avait un débat devant un des khulafa et il y en a un qui a dit, comment vous pouvez affirmer à Allah ou dire que Allah est au-dessus, hein, et si vous dites qu'il est au-dessus, ça veut dire que vous le faites ressembler à sa création. Et yani, l'imam a répondu à ce mubtadi', à ce jahmi, il lui a dit, c'est pas moi qui ai affirmé que Allah est au-dessus, c'est Allah lui-même qui le dit, hein. Et il a mentionné le verset, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Et là, yani, bien entendu, le jahmi ne pouvait plus rien dire, puisque c'était affirmé par le Coran. Et à ce moment-là, yani, le khalifa a donné raison yani, à ce savant parmi les imams d'Ahl Sunnah. Donc c'est pour dire que yani, quand on affirme qu'est-ce qui est dans le Coran, qu'est-ce qui est clair dans le Coran, eh bien, les Jahmiyyah, eux, n'ont pas d'argument. Puisqu'on ne fait que prendre la parole d'Allah et la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de croire en ce qui est mentionné par Allah, à propos d'Allah. Donc si ces gens-là ne sont pas satisfaits de ce que Allah a mentionné à son sujet, hein, et ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su comment parler de sa personne et comment se décrire à ses créatures, hein, eh bien, le problème est avec eux, non pas avec les textes et avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il continue à expliquer les versets où il mentionne al-istiwa ala l'arsh, où Allah subhanahu wa ta'ala parle du fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Dans 6 endroits dans le Coran, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la mention du fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé, ensuite il s'est élevé sur le trône. Le cheikh, il dit, في ستة مواضع من القرآن كلها بلفظ ثم استوى على العرش. يعني ارتفع عليه وعلى عليه وصعد عليه. والاستواء صفة من صفات الأفعال، أما العلو فهو صفة الذات، فهنا فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات ملازمة لله عز وجل، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، رتبه بثم التي هي للتراخي، فالاستواء صفة فعل يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، أما العلو فهو صفة ذات لازمة لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا في العلو. Donc le cheikh explique premièrement que dans 6 endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'il s'est élevé au-dessus de son trône en utilisant le verbe istawa. Hein? Et istawa, ça signifie en arabe classique irtafa'a wa 'ala wa sa'uda. Hein? Donc 3 termes, al-irtifa', fait s'élever, hein, ou al-ulu, hein, le fait d'être élevé, hein, au-dessus de quelque chose, et sa'uda, ça veut dire yani, d'être, de monter, hein, de monter. Donc ça, c'est les significations du verbe istawa dans l'arabe classique, hein. Et le cheikh, il explique que al-istiwa, c'est un attribut des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiwa, c'est une attribut des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que al-ulu, ça fait partie des attributs de son être. Donc il y a une différence entre al-istiwa et al-ulu. Al-ulu, c'est un attribut qui est relié à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se sépare jamais de lui. Tandis que al-istiwa, c'est yani, donc al-ulu, c'est un attribut de son être, qui ne se sépare jamais de lui, qui est toujours présent en lui parce que ça fait partie de lui. Tandis que al-istiwa, c'est un attribut de l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, cet attribut de son action, elle est reliée à sa volonté. C'est-à-dire que il l'a fait quand il veut. Il l'a fait quand il veut. D'accord? Donc, al-istiwa, c'est un attribut d'action qui est relié à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il l'a fait quand il veut. Il dit, وَلِهَذَا قَالَ, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis ensuite il s'est élevé sur le trône. Ensuite, il s'est élevé sur le trône. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné après le terme thumma. Thumma qui veut dire que yani c'est quelque chose qui a été fait à la suite, hein, à la suite de quelque chose. Et donc, c'est la preuve que yani c'est quelque chose qui n'était pas fait par Allah subhanahu wa ta'ala, puis qu'il a été fait par la suite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-istiwa, c'est une attribut d'action que Allah subhanahu wa ta'ala fait quand il veut le faire. Ensuite, il a voulu s'élever sur son trône. Alors, il s'est élevé sur son trône à ce moment-là. Hein? Donc, il le fait quand il veut. Tandis que al-ulu, c'est une attribut de son être qui ne se sépare jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait partie de lui parce qu'il est toujours élevé. Il est toujours élevé, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit هذه المواضع السبعة هي الأعراف ويونس والرعد وفي طه وفي الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد أثبت الله فيها استواءه على العرش وأهل الضلال يقولون استوى يعني استولى على العرش زادوا حرف اللام مثل ما زاد اليهود حرف النون في قولهم حنطة بدل حطة في قوله تعالى وقولوا حطة أي يعني حط عنا ذنوبنا قيل لهم قولوا حطة ولكنهم حرفوا وقالوا حنطة قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فالأشاعرة في زيادة اللام في استوى يعني مثل اليهود زادوا يعني في التوراة حرفا في حطة هذا من ناحية donc le sheikh il explique ensuite que le terme istawa le fait que Allah est élevé sur son trône au-dessus de son trône il est mentionné dans 6 endroits dans le Coran comme on l'a dit tout à l'heure le verset 54 dans surat al-A'raf le verset 3 dans surat Yunus le verset 2 dans surat al-Ra'd le verset 59 dans surat al-Furqan le verset 4 dans surat al-Sajda et le verset 4 dans surat al-Hadid et le verset 5 dans surat Taha donc ces versets là c'est les 7 versets où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il s'est élevé au-dessus de son trône et donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il s'est élevé sur son trône, tandis que les gens de l'égarement, hein, parmi les gens de l'égarement comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Ahbash et d'autres, eh bien eux, ils nient cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils déforment le mot, ils déforment le sens du mot et le mot lui-même lorsqu'ils l'expliquent. Puisqu'ils disent que istawa signifie istawla à la large. C'est-à-dire qu'ils rajoutent un L, hein, la lettre lam, dans le mot. Donc, istawa, il n'y a pas de lam, mais eux, ils rajoutent un lam, hein, la lettre lam, après le waw. C'est pour dire que, yani, ils disent que istawa, ça veut dire istawla. Et istawla, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de conquérir quelque chose, hein, ou bien de prendre le pouvoir ou le dessus sur quelque chose. Donc, on l'utilise dans le sens que, par exemple, on va dire quelqu'un était au pouvoir sur le trône et quelqu'un est venu et il l'a enlevé du trône et a pris sa place. C'est dans ce sens-là qu'on utilise le terme estoula. Donc, quand on dit qu'un dirigeant a fait par exemple, un roi a renversé un autre roi et qu'il l'a enlevé de son trône, il a pris sa place, on dit Estoula Fulan ala Fulan. Hein? Il a conquis le trône d'un tel. Ou bien il a pris le dessus sur l'autre. Donc, eux, ils veulent pas affirmer Estawa. Ils veulent pas dire Estawa, que ça veut dire s'élever au-dessus de. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que si on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus du trône, que ça voudrait dire qu'on fait une ressemblance entre le Créateur et la créature. Hein? Et que ça, c'est une imperfection. Donc, nous, on leur dit non, Allah s'est élevé au-dessus de ton trône d'une manière qui lui convient et qui ne ressemble pas à celle de ses créatures, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit que rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay'un. Donc, on l'affirme tel quel, mais on n'essaie pas de l'imaginer, on n'essaie pas de se le représenter dans notre esprit, ou de le décrire, de dire comment il le fait. On l'accepte et on y croit tel quel, et on ne déforme pas son sens. Eux, ils déforment le sens. Donc, ils disent, on ne veut pas faire de ressemblance entre Allah et sa création, donc on ne va pas l'accepter tel quel, on va lui donner une autre signification. Donc, on va dire qu'au lieu d'être, de signifier istawa, ça veut dire istawla. Donc, ils rajoutent le la. Et ça voudrait dire, selon ce qu'ils disent eux, yani, que Allah a conquis le trône. Le cheikh explique, il dit que quand ils ont fait ça en réalité, en ajoutant le la, hein, eh bien, ils ont agi un peu comme les juifs ont agi lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de dire hitta. Hitta, c'est-à-dire dans le verset 58, dans surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de rentrer dans les portes de la Palestine, de la ville, hein, de rentrer dans cette région de la terre en prosternation et en disant « Hitta ». Et le cheikh explique que « Hitta », ça veut dire « Yani, pardonne-nous ». Hein, pardonne-nous nos péchés. Et eux, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Ils ont rajouté un noun. Hein. Donc, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Et le cheikh, il explique que le verset 59, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont fait de l'injustice ou les injustes ont changé la parole qui leur avait été ordonné de dire. Donc, ils ont changé la parole qui leur a été ordonnée de dire. Hein? Et ils ont dit hinta. Hinta, c'est une graine. Hein? Donc, au lieu de demander à Allah pardon, ils l'ont remplacé par une moquerie. Hein? Et donc, le cheikh, il explique que les Asha'ira, ils ont ajouté le lam dans istawa, comme les juifs ont rajouté le noun dans la Torah, hein, dans ce sens-là. Donc ça, c'est un point de vue de leur égarement. Deuxième point, le cheikh il dit والناحية الثانية أنه لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء على العرش. Hein, donc كان الاستواء بمعنى الاستيلاء على العرش لم يكن للعرش ميزة. Hein, فالله مستول على كل شيء من المخلوقات فلماذا خص العرش. Donc le cheikh il dit, sur un deuxième point de vue, on peut dire que al-istiwa fait s'élever au-dessus du trône, si ça voulait dire de prendre le contrôle du trône ou de conquérir le trône, eh bien le cheikh il dit, il n'y aurait pas dans ce cas-là aucune particularité au trône. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement pris le contrôle, ou n'a pas seulement le contrôle du trône, il a le contrôle de toutes choses dans la création, il contrôle toutes les créatures. Donc pourquoi spécifier qu'il a contrôlé le trône, ou qu'il a pris le pouvoir du trône seulement, alors qu'on sait qu'il a le pouvoir de toutes choses? C'est ridicule, hein? De vouloir spécifier ça et de l'interpréter de cette façon. Et le point numéro 3, ثالثاً الاستيلاء على الشيء يدل على أنه من قبل ليس في يده وإنما هو في يد غيره كما يقال استولى الملك على البلد الفلاني يعني أنه من قبل ليس في ملكه ولما تغلب على غيره فيه استولى عليه وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التفسير من 20 وجها في رسالة مستقلة. Donc, le cheikh l'explique que le troisième point de vue pour réfuter cette fausse interprétation des Asha'ira et des Maturidiyya et des Ahbash, hein, et de Sayyid Qutb, parce que Sayyid Qutb il a aussi cette fausse interprétation dans son tafsir Fidilal al-Qur'an, hein, eh bien, yani, c'est de dire que al-istila, hein, de dire que ça veut dire istawla, quand ils disent que ça veut dire istawla, c'est-à-dire de conquérir le trône, de prendre le pouvoir sur le trône, eh bien, le cheikh il explique que yani, ça voudrait dire, ou ça impliquerait que avant d'avoir pris le contrôle sur ce trône, et le trône était à quelqu'un d'autre, ou était entre les mains de quelqu'un d'autre. Puis que, yani, il est venu et il l'a enlevé du trône et il a pris sa place. Yani, c'est-à-dire, comme on dit par exemple, tel roi a pris le contrôle de tel pays. Comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est-à-dire que le pays n'était pas à lui avant, le pouvoir n'était pas à lui, il n'avait pas le trône, puis il a pris le dessus sur un autre roi qui était sur ce trône-là, et il a conquis son trône, il a pris son trône par la force. Donc, cette interprétation-là est complètement fausse. Ça implique quelque chose de très grave. Ça voudrait dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, hein, un autre dieu ou un autre rival à Allah qui aurait pris le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis que Allah aurait repris son trône par la suite. Ça c'est une grave parole, yani, quelque chose qui est totalement faux, puisque Allah n'a pas de rival. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun rival, aucun égal, hein, aucun égal et aucun rival. Il n'y a rien qui ne lui est comparable ou égal, ou rien ne peut opposer sa volonté et son pouvoir et sa force et sa puissance. Donc, de penser ça, cette interprétation-là, c'est totalement faux. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre à ce sujet-là pour réfuter cette fausse interprétation des Asha'ira, il la réfute en 20 points. Il la réfute en 20 points. Hein, il mentionne 20 arguments pour montrer sa fausseté. Donc ça, c'est pour montrer comment, alhamdoulilah, yani, ces choses-là ont été clarifiées. On a même parlé de ça au début du livre, quand on a expliqué. On avait mentionné que Cheikh l'Islam, il a réfuté en plusieurs points. قد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة. Il a écrit un livre séparé. Et Ibn al-Qayyim, son élève, il le réfute dans As-Sawa'iq al-Mursala. Et il mentionne que cette fausse interprétation des Asha'ira a été réfutée en 40 arguments, 40 points. Donc ça vient montrer la faiblesse et la fausseté de cette interprétation et qu'elle est totalement fausse. Donc alhamdoulillah, ça c'est par rapport à ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. طيب. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ensuite d'autres versets. Le verset 36 à 37 dans Sourate Kafir, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugh al-asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Et il lit également un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: تنزيل من حكيم حميد. تنزيل من حكيم حميد. Et il lit ensuite le verset: منزل من ربك. منزل من ربك. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne le verset 36 à 37 dans Surat Ghafir. Et c'est une parole, en fait, de Pharaon. parole de Pharaon lorsqu'il dit à son ministre ou à un de ses proches, il dit « Oh Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa, le Dieu de Moïse. Mais je pense que celui-ci est menteur. » Hein? Donc, c'est pour dire que Moussa alayhi salam a mentionné à Pharaon que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Alors Pharaon, par son arrogance et sa fierté et son orgueil, hein, pour montrer son affront, hein, il demande à Haman de lui construire une tour pour qu'il puisse monter dans les cieux pour essayer d'apercevoir le Dieu de Moïse, hein, Ilahu Moussa. Hein, donc ça c'est, bien entendu, yani, c'est juste pour montrer son orgueil et son arrogance et sa fierté, mais hein, c'est pour dire que c'est la preuve que Moussa a mentionné à Pharaon que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, hein, au-dessus des cieux. نعم تنزيل من حكيم حميد le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait révéler ce Coran et que ce Coran il est descendu de la part d'un sage digne de louange, le verset 42 dans sourate Fussilat, et également le verset 114 dans sourate Al-An'am, munazzalum mir rabbik, c'est-à-dire qu'il est descendu, hein, de la part de ton Seigneur. C'est-à-dire que le Coran est descendu, il est révélé. C'est la preuve qu'il vient d'en haut. Hein? Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a amthali dhalika mimma la yakadu yuhsa illa bi kulfa. Donc ça, c'est les versets que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit. Et il dit, et il y a beaucoup d'autres exemples de versets comme ça que on ne pourrait énumérer excepté avec difficulté, tellement qu'il y en a. Et donc, c'est pour montrer que les preuves sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, hein, au-dessus du trône, ils sont innombrables. Il y en a trop de preuves à ce sujet-là. Et les versets qu'on vient de mentionner, c'est juste un exemple. Hein. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, il dit ici, هذا في سياق قصة في قصة تجبر فرعون ومكابرته وأنه قال لهامان وزيره ابن لي صرحا يعني بناء مرتفعا ليصعد عليه ويبحث عن الله فدل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في السماء وأراد فرعون أن يكذبه ويتظاهر أمام الناس بتكذيب موسى وأنه سيصعد على الصرح ويبحث عن الله فهو أراد أن يموه على الناس وأن يظهر كذب موسى عليه السلام بزعمه. Donc, le Cheikh il explique que ça c'est dans l'histoire qui montre, hein, l'arrogance de Pharaon et à quel point il était tyrannique. Et comment, yani, il a ordonné à son ministre, comment il a dit à son ministre, Haman, de lui construire un bâtiment élevé pour qu'il puisse monter dedans et chercher Dieu, hein, chercher Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la preuve que Moussa alayhi salam avait informé Pharaon que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Hein? Et donc il est au-dessus des cieux et il a voulu démentir Pharaon a voulu démentir Moussa et montrer à tout le monde, devant tout le monde, le fait que Moussa a menti selon lui. Donc il voulait monter dans ce bâtiment-là puis chercher Allah subhanahu wa ta'ala, et il a voulu donc essayer de tromper les gens en essayant de montrer que Moussa alayhi salam avait menti selon lui, hein, selon sa prétention. Donc ça c'est pour ce verset-là. Et il y a des gens de bid'a parmi les Asha'ira et autres, et ils essaient de comme dénigrer les gens de Ahl Sunnah avec ce verset. Ils disent, oh regardez, les gens de Ahl Sunnah, les salafiyins, yani ceux que eux appellent les wahhabiyya, parce qu'ils appellent toujours les salafis des wahhabiyya, regardez, eux, ils utilisent des paroles de Fir'aun pour prouver leur aqidah. En voulant dire, depuis quand on va prendre notre aqidah de Fir'aun, hein? Et la réalité ici, c'est qu'on ne prend pas notre aqidah de Fir'aun, on prend notre aqidah de Moussa, alayhi salam. Et si Pharaon a dit cette parole, c'est parce que c'est y a personne d'autre qui lui a dit ça que Moussa alayhi salam, hein? Et donc ça c'est un exemple. Et ensuite il, donc ça c'est sans oublier tous les autres versets qu'on vient de mentionner qui supportent qu'est-ce qu'on a dit avant et bien d'autres encore également. On n'a même pas encore mentionné les preuves de la Sunna qui sont encore plus nombreuses, hein, et qui vont venir au prochain cours, inshallah. Donc ensuite, l'autre verset à propos du Coran qui est descendu et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, le Cheikh il dit An-Nuzul la yakunu illa min a'la ila asfal. Fadalla thalika ala ulu illahi li anna al-Qur'an nazala minhu. Donc, le fait que quelque chose descende, hein, ça ne peut être que d'en haut, vers le bas. Et ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Hein, et au-dessus. Et pourquoi? Parce que le Coran descend, hein, est descendu. Et il mentionne ensuite, il dit مثل تنزيل ومنزل وأنزل الله. كلها تدل على علو الله. Tous ces versets-là montrent le fait que Allah est au-dessus de sa création, puisque il mentionne que le Coran est descendu et qu'il fait descendre et ainsi de suite. Et il a amthali hadhihi al-ayat allati tadullu ala uluwillahi ala makhluqatihi wa istiwa'uhu ala 'arshihi mimma la yuhsa fi al-Qur'an illa bi kulfatin wa li hadha dhakaru anna adillata al-ulu balaghat 1000. Donc le cheikh explique, il dit que donc il y a beaucoup d'autres exemples des versets semblables qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création, hein, et qu'il est au-dessus de son trône, qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, hein, et que c'est des versets qui sont difficiles à dénombrer puisqu'ils sont tellement nombreux, c'est difficile de les énumérer, et c'est pour ça que les savants mentionne même dans certains livres comme Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim, il mentionne qu'il y a pour les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, il y a plus que 1000 preuves à ce sujet-là. Hein, il y a plus que 1000 preuves à ce sujet-là. Donc c'est quelque chose qui a, on peut même pas débattre là-dessus puisque c'est tellement clair. Donc les gens de dalal, les gens de bid'a, les ashaira, les Maturidiyya et les également les Jahmiyya et les Mu'tazila qui sont les plus extrémistes, hein, de même que les nouvelles sectes qui sont apparues à notre époque, hein, et ceux qui sont sur ces voies là comme Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, les Ahbash, hein, toutes ces voies là c'est la même chose, hein. Ils nient les attributs d'Allah, ils rejettent les attributs d'Allah, refuse de les affirmer telles qu'elles sont affirmées. Hein, c'est pour ça que vous allez trouver beaucoup d'ikhwan, hein, sur leur site, ils nient. Et les soufis, la plupart des soufis, hein, sont des asha'ira, et la plupart des asha'ira sont des soufis, la plupart, hein, la majorité. Donc il y a un lien entre les soufis et les asha'ira, et la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous le retrouvez clairement dans leurs livres, hein, qu'ils enseignent dans leurs universités, et ainsi de suite. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue, Inch'Allah, ce cours dimanche prochain. De même que demain, Inch'Allah, lundi, mardi, mercredi, on va faire les cours de Manhaj. On va continuer les cours de Cheikh Ubaid qu'on a commencé. Et cette semaine, on ne les avait pas fait parce qu'il y avait le séminaire à Roubaix. Donc, on voulait laisser l'opportunité à ceux qui voulaient profiter des deux ulama qui sont venus en France, Cheikh Saleh Al-Suhaimi et Cheikh Ahmed bin Ramzan Al-Hajri, donc qui sont venus en France et qui ont fait beaucoup de bien pour la da'wa là-bas. Donc, alhamdoulilah, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur effort et leur donne encore plus de bien et de force dans la transmission de la da'wa. Et nous, on s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À demain, inshallah.